presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. 7000 ans d'esprit pour se retrouver avec énergie 12. Bilan terrible, gigantesque loose, blase et je m'enlise dans le malaise d'un blues désolant. Causé par le vice et par le pesque tous désirtant. Grave gâchis de gloire déchu, sous la chape des grands méchants. À gauche comme à droite, il chie sur les chines des pauvres gens. Chaque fois que l'homme s'émancipe, le goût du pouvoir leur attrape. La foi qu'on donne aux grands principes se joue de nous farcer. Attrape le son du passé, omis au fond des cahiers. Mais la sagesse aux oubliettes et la paix part en miettes. Donc cessons d'amasser des masses de fond dans le grenier. La moitié finie jetée aux chiottes et y'a plus rien dans les assiettes. Le fric s'étale pas partout, d'affiche en écran, et il a que à partout. Nous aguiche, nous éprend, égo que dans la servitude, équivalent que dans la bassesse. L'ego règle l'attitude, j'vois que des valets pleins d'impuissance pour les luttes plus d'essor. Par quel ressort ils pourvoient nos frustrations? Leur but rendre sourd à tout sort, dépourvu d'exploitation. Tant d'expérience, de partage, d'autogestion, passé sous silence. Jamais de reportage sur la question, prolozapé des annales. Ils gomment toute notre race, c'est notre histoire qu'ils annulent. Nous ne sommes bons qu'à leur crise de changer. Le monde commence par se changer soi-même, nada. Changer le monde commence par séquestrer son boss. Agla, grande braderie, école et santé. Le rendement quadri, même l'agricole plus qu'à sentir. Gladiateur dans cette arène, acteur de ce sacrifice. Grand guillet à terre à ses marines qui en tirent tous les bénéfices. Alors ils partent à chaque lumière au nom de leur putain de patrie. Je risque l'arme des opprimés, des sans pognon. Mais tout le prix de la douleur abrégée par le programme du CNR n'a plus de valeur dès qu'ils siégeaient, qu'ils réclament des électeurs. Moi je veux la mort des présidents. Yeah, supprimer tout gouvernement, car qui gouvernement, ils ont fait de nous les résidents d'un Occident s'Occident. Je peux plus croire que leurs incidents ne sont que des accidents. Moi je veux la mort des présidents. Supprimer tout gouvernement, car qui gouvernement, ils ont fait de nous les résidents d'un Occident s'Occident. Je peux plus croire que leurs incidents ne sont que des accidents. Yeah. Anarchie sur toute la planète. Cernant et qui est prudent de Shoah. Chaque fois qu'il te demande ta voix, c'est pour me prendre à la gorge, ouais.